Yep, des West of Ski pour la Kigrosho Empire, Dog Dude, Motherfucker. Mon impassible, suis le mouvement du stylo, pied la bile. Amère, fait que de brin, je m'habille. La bile, habitude, croise la débile. Servitude, semant l'encre bleue qui traverse le stéréotype. Ma vie est une folie ordinaire. Je fais le décompte d'elle en vénère. Comme dans un conte, je ne désespère jamais. Cramer mes ailes, détremper mes aisselles de sueur, déclamer à l'appel des peurs, réclamer l'horreur, calmer les erreurs de mes congénères, semeur de bois génère, c'est l'heure de se désaltérer. Le semeur de Malte fait sa tournée, superbe, stupeur, stoppé par la gerbe.